Bienvenue dans le monde de l'underground by Fred Cominatia. De la soul, du funk, du hip-hop, du new disco, de l'indie dance et surtout de la house, deep house, tech house, jusqu'à la progressive. Des présentations d'artistes et labels internationaux, mais aussi d'associations et collectifs régionaux. Tous les jeudis 17h-20h, des nouveautés et des mix live en son et images par Cominatia, mais aussi par des invités de choix du monde de l'underground. Bonjour amis auditeurs de Radio Méditerranée Var, vous êtes bien en compagnie de Fred Cominatia pour le son de l'underground. C'est jeudi 17h, en fait je ne suis pas en direct du studio, encore une fois un enregistrement durant le confinement. Peut-être certains auditeurs sont ailleurs à travers le web et ne sont pas confinés, profitez parce que ici c'est plutôt dur. Quoi vous dire, il n'y a pas beaucoup bien sûr d'actualité au niveau des événements puisque tout est figé. Seul notre projet du 27 et 28 juin prochain à Roquebrune au lac de l'Arena, le Sud Tronic, ça je peux vous en parler, le reste ça me paraît un petit peu compliqué, mais là on est bon, on a travaillé, le line-up est pratiquement complet, donc vous allez avoir un super festival sur 2 jours, une vingtaine de lives et de DJ sur 2 jours dans un lieu magnifique, une super scène, du son puissant et clair, enfin on va se régaler, donc de quoi se projeter un petit peu et avoir un petit peu d'espoir dans ces moments un petit peu compliqués. Pour aujourd'hui, eh bien, la semaine dernière, on a fait un spécial Good Vibes. Ça a eu beaucoup de succès parce qu'on a besoin un petit peu de Good Vibes en ce moment, un peu plus de légèreté. Donc là, ce coup-ci, je vais vous faire un Good Vibes, mais spécial Nu Disco, Nu Funk. 3 heures de Nu Disco et de Nu Funk, histoire d'être un peu dans le mode festif sans se prendre trop le chou. Voilà, quoi vous dire, bah, pas grand-chose de plus. Il faut qu'on tienne bon. Donc le rendez-vous, c'est Sud Tronic, je vous en parlerai en fin d'émission. On va commencer direct, je crois que voilà, il n'y a plus rien à dire. Allez, on attaque. If you wanna be my lover, of a love so true, that mystic chemistry with I'm with you. If I showed you all of my flaws, would you still want me? Thank you.

friend Sylvia, she's blessed. We all blessed, cause we still here. This is one of my favorite songs by Howard Hewitt. Okay. And I have to give this up. We'll be right back. could cook a little better for this life. You can't resist any food in my mouth.

that's pressed against my hollow bones, that rocks my soul. Oh, oh, oh. Me back. Is it because I'm black? Against my hollow bones, that rocks my soul. Whoa, whoa, whoa.